إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فبحمد الله وفضله علينا من ذلك اليوم إن شاء الله سنبدأ في تعليق يسير على كتاب العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب المسمى المعروف المشهور بالقواعد المثلى le livre très connu de القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى traduit par les règles exemplaires dans les attributs d'Allah et ses plus beaux noms فكعادتنا سيكون يعني شيئا مختصرا résumé lecture traduction approximative pas de tout تمام si elle veut nous faire un ta'liq ou une fa'ida nous dit fuha lakin il ghalib yakun yani kalam al mu'allif wa comme je l'ai souvent dit auparavant mithl hadhihi al ulum hadhihi al funun aslan c'est pour les arabophones ce sont pas des choses qui se font en français maintenant bab taqrib la abas tu vois de parler des choses qui sont accessibles aux francophones, à ce qui ne l'est pas accessible, on ne va pas se caler à les traduire et à essayer d'expliquer, ce n'est pas la peine. On dira plutôt, c'est à l'insan de caler nefsa, de faire un ijtihad pour apprendre la langue arabe, pour pouvoir par la suite parvenir à la compréhension de ces kawaïd, de ces arkham, et de ces ulum, bila shak. On ne donne pas tout, on propose, et à la base, c'est aux gens d'aller chercher. D'accord ? Et ça, ce sont des choses dans la aqidah, mais cela dit l'humour, c'est en arabe que ça se fait. Enfin, en arabe que ça se fait. Mais il y a des fois où il y a la baisse, qui peuvent être en français. Ce qui est lié vraiment au stilahat de la langue arabe, au stilahat des choses qui n'ont pas d'équivalent en français, ou qui méritent des fois une longue explication, on s'en passera. D'accord ? Et de toute façon, alhamdoulilah, on a fait des durus de langue arabe pour ceux qui veulent apprendre des bases qui n'ont pas de cours à portée de main là-bas en France ou ailleurs dans les pays qui ne sont pas arabophones et où il n'y a pas vraiment de cours donnés par des gens de la sunna ou alors des cours qui soient vraiment établis selon le manhaj salafi dans les masajid ou en khas, qui ne sont pas des durus donnés en échange d'un salaire ou donnés par des gens qui sont incompétents ou donnés par des gens qui ne sont pas aptes au niveau du minhaj ou autre d'enseigner la langue arabe car ils ont des shubuhat. Ils ne sont pas sur la bastira dans leur religion. Ce qui n'est pas totalement accessible n'est pas totalement délaissé non plus. On prend ce qu'on peut. Comme on le prend souvent. Moi, comme les gens connaissent ceux qui suivent mes durus, je suis parmi les gens qui disent que ce genre de kutub, à la base, de traduire, on va dire du mot à mot ou quoi, ça ne sert à rien. D'accord, ça sert à rien. Ce sont des kutub. Le shir, et quand il l'a fait, il l'a pensé aux arabophones. Il n'a pas pensé aux gens qui ne parlent pas l'arabe, aux ajim. Et quand tu donnes trop aux gens, après, laissez quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Hakullah ou Hakul ibad al-Allah, an ya'abuduhu, ou plutôt an la yu'azib man ya'abuduhu, wa lo shiku bi shay'a, que le droit du abd, c'est que Allah ne châtie pas celui qui l'adore sans rien lui associer. Qu'est-ce qu'il a dit Mu'adh ? Afalo bashiru an-nas ? Il a dit là, fait taqilo. Il a dit est-ce que je vais avertir les gens ? Il a dit non parce qu'ils vont se baser là-dessus. Donc là, c'est un ders du Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les gens, si tu leur donnes trop de choses, après ils se basent là-dessus, ils font plus d'efforts. D'accord ? Ils font plus d'efforts. Donc là, même taqrib, comme on a dit, l'abaisse. Hein, comme ça, les gens, le jour où toi, Mathalen, ou autres, auront plus de quwa fil l'oral et l'arabiya, ils pourront entrer vraiment dans le cœur de ce genre de kutub, même lire de eux-mêmes certains shuruhat. Wa hakada. Et Ashakullak, alhamdulillah, dans la silsila qu'on a pris dans l'aqida, surtout dans Etadmouriya, beaucoup de choses vont revenir là. Fanamshi alayha. Pas la peine de re-expliquer, de. C'est des choses qu'on a déjà prises auparavant. Le but, c'était quoi? C'est justement, c'était Tadarouj dans les kutub pour arriver à ce que Dina Masail arrive. Celles qui ont déjà été prises, Namshi Aleha, et les nouvelles, on s'arrête dessus. Pour pas avoir à reperdre de temps et re-expliquer ainsi de suite. Donc ça fait une Mouraja pour les Dulous qui sont déjà passés. Et ça fait une Istifada pour les choses nouvelles. Biznillah Ta'ala. Mais beaucoup de choses qu'on a prises dans la Siyama fil Sifat, Kad Marad Bina fil Tadmouriya. À la base, Tadmouriya. Taqrib et Tadmouriya, c'est le même auteur. C'est Cheikh Al-Uthaymin. Bien que le livre de base de Tadmouriya, c'est Cheikh Al-Islam, mais Taqrib et Tadmouriya, c'est Cheikh Al-Uthaymin. Donc, c'est le même usloub, et c'est le même kawaïd, et c'est le même maslak. Et Cheikh Al-Uthaymin, il est connu pour quelqu'un de très clair et de très simple dans ce qu'il explique. Alhamdulillah. Et souvent, que j'ai eu l'occasion de faire dans ses kutub, la tarjama elle-même a suffi. La tarjama de son livre, tu traduis juste ce qu'il dit, tant que tu peux, ça suffit. Après, c'est wadih pour toi. Là, maintenant, il y a les talikot dans le livre que j'ai, là, de Cheikh Kamel Adani, qui était tué à Demej. Il y en a beaucoup. Franchement, on ne va pas les... Si des fois, on a vraiment une importante, on la prendra. Je la citerai à la tariq, mais on ne va pas les lire. D'accord? On ne va pas les lire. Là, c'est vraiment pour un autre moustawa, quand tu parles la langue arabe, et que tu as déjà des bonnes bases dans l'aqida, parce que sinon, après, quand ça devient trop serré, il est trop chargé, tu en oublies le asl de la chose. Donc l'auteur, le livre, il contient une Muqaddima de Cheikh Ibn Baz qui a fait un éloge de ce livre. D'accord? Et ce livre, il est connu. Hein, que ce soit Cheikh Ibn Baz qui fait l'éloge ou autre, que lui, le livre, il est connu. En lui-même, il est une référence, de toute façon. Et Cheikh Al-Famil, c'est quelqu'un qui a même plus besoin qu'on lui fasse de préface. À la base, c'est lui qui préface pour les autres. Adawa. Donc on va commencer مباشرة. بعد ما قال المؤلف البسملة بسم الله الرحمن الرحيم قال ذكر خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه هذه زيادة ونتوب إليه on se répond ما جاءت في الأحاديث الثابتة الصحيحة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما وبعد ومثل هذه الاشياء on ne traduit pas, c'est معروف. D'accord, c'est معروف. قال فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. Donc la foi en Allah, comme il dit, ou plutôt que la foi au nom d'Allah et en ses attributs, c'est l'un des piliers de l'Iman. Comme tu le sais dans le hadith de Jibril, أن تؤمن بالله, comme il l'a dit. ما هو الإيمان قال أن تؤمن بالله, tu crois en Allah. Et cela inclut quoi? Elle a dit ذكر المؤلف, croire en ses sa présence, en ses noms, en ses attributs, en sa rububiya, en sa uluhiya et en ses asma wa sifat. Et où joue tout seul Mayakfi. Comme Mathalan, c'est le cas de beaucoup de kuffar. Il dit, moi je crois qu'il y a Dieu qui existe. On dit, non, mais ça c'est pas l'iman billah. Hada juz minhu. Lakin Mayakfi. Parce qu'après, il peut s'imaginer des choses sur Allah spontané qui ne sont pas vraies. Donc le mu'min a forcément ce point-là. Qal منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. Donc il dit le rang de la science dans les noms d'Allah et dans ses attributs dans la religion. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة. Donc cette science là ainsi que le توحيد d'Allah, c'est l'un des taqsim, l'une des catégories, ou c'est l'une des catégories des trois catégories de توحيد. Qui sont Tawhid al-Rububiyya, توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Donc le troisième c'est quoi? أسماء والصفات. Donc c'est un bab qui est مهم جدا, très important. فمنزلته في الدين عالية. Son niveau dans la religion est très haut. وأهميته عظيمة. Son importance est primordiale. لا يمكن أحدا أن يعبد الله على وجه الأكمل حتى يكون على علم الأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. Il n'est possible à personne d'adorer Allah de façon complète et parfaite tant qu'il ne connaîtra pas ou tant qu'il n'aura pas la science touchant en ses noms, en ses attributs, afin qu'il adore avec la voyance. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Certes, à Allah appartiennent les plus beaux noms, alors invoquez-le avec. فَهَذَا يَشْمَلُوا دُعَاءَ الْمَسْأَلَةِ وَدُعَاءَ الْعِبَادَةِ. Chose qui inclut le dua de la mas'ala et le dua de l'ibada. On a pris dans quel kitab? Kitab Tawhid. Laissons-y en reparler. Donc là, une faïda que Cheikh Kamel cite, qui serait bonne à citer, par rapport au dua. D'accord? قال إلى سيتا دو شرح دو تحاوية دو ابن أبي العز كي لمن رابورتا دو ابن عقيل il dit par rapport à la faïda d'invoquer Allah qu'est-ce que cela peut inclure qu'est-ce qu'on peut en déduire comme science أولاً من أسماء الله ومن صفاته اولا الغني كالله il est riche لماذا فان الفقير لا يدعى le pauvre tu ne peux pas l'invoquer tu n'invoques pas le pauvre donc Allah هو غني وكذلك السمع فان الاصم لا يدعى que Allah parmi ses صفات lui donc السمع car le sourd tu ne l'invoques pas كذلك الكرم فان البخيل لا يدعى on va dire comme mot que j'aurais en tête là, on va dire la générosité quand même le fait de donner généreusement car l'avare on n'invoque pas on lui demande rien du tout à l'avare quand on sait qu'il est avare bien sûr خامسًا الرحمة فإن القاسي لا يدعى et la miséricorde car celui qui est dur, qui n'a pas de rahma, lui, les gens ne se tournent pas vers lui pour leurs besoins. Ce maraja il est mas'ala au point qui touche dua el mas'ala et dua el ibada. Qu'est-ce qu'il dit? Dua el mas'ala c'est quoi? An tuqaddim bayna yadayhi matlubik bi asma ilahi ta'ala an yakuna munasiban misl an taqul يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني يحفظني ونحو ذلك. Donc dua mas'ala à la base c'est toute demande en soi. La demande en soi, le dua en soi, l'invocation en soi. Donc c'est-à-dire que tu exposes à Allah ce que tu demandes de lui, ce que tu attends de lui en l'invoquant par le nom qui convient. Mathalan, tu dis Ya Ghafour, c'est-à-dire celui qui pardonne, Ghafirli, pardonne-moi. Ou tu veux sa Rahma, tu veux l'appeler Rahim. Ou Rahman. D'accord? Tu veux son Hifz, qui te préserve, tu l'appelles Hafiz. Tu me donnes le nom qui correspond au dua. Tu n'as pas dit, مثلاً, Ya Jabbar, مثلاً, Irhamni. Al-Jabbar, bin Asma Illah. Mais dans ce dua-là, Fahemt, Fi Ansab. Il y a des noms qui sont plus appropriés à être invoqués avec. Donc ça c'est dua al-mas'ala, c'est la demande en soi directement. Et cette dua-là, lui est un tafsil. Il peut être shirk, il peut ne pas l'être. Ça on l'a pris déjà dans Kitab Tawhid. Car tu peux faire dua al-mas'ala avec une créature dans ce qu'elle est capable de faire. Wa dua al-ibada. Dua al-ibada, c'est toute ibada en soi. Car cette ibada en soi, c'est un dua, c'est une demande. Tu attends quelque chose dans Allah, comme il va le dire. أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأن التواب وتذكره بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا. دعاء العبادة c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Cela parce que impliqué c'est nom que tu connais d'Allah. مثلاً tu fais la tauba car tu sais qu'Allah c'est le tawwab, celui qui accepte le repentir. Et tu l'invoques par ta langue car tu sais qu'il est sami, il entend. Tu l'invoques ou tu l'adores par tes membres car tu sais qu'il est basir, il te voit. Et tu le crains même en secret car tu sais qu'il est al-khabir al-latif, qu'il sait tout. Et cette dua al-ibada, toute l'ibada que tu fais, c'est un dua à la base. La salat, c'est un dua. Quand tu as salat, qu'est-ce que tu espères par cette salat-là? Tu espères que avoir thawab Allah. Donc c'est une demande. Naam. فقال وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى واسماءه الحسنى. Puis après il cita le titre de ce livre en fonction de cela. Pour la mukaddima, faire comprendre que connaître ses noms et attributs, c'est une chose qui est importante dans ta ibada, même dans tes wajibat. D'accord? Naam. قال donc là ce kitab divisé en fusul qui elle-même contient des qawaid certains qui sont liés en premier lieu au asma, ensuite au sifat, et également des shubuhat que les gens ils ont par rapport à ça avec la réponse. Bada'a, elle force l'awwal, le premier chapitre par qawa'id fi asma illahi ta'ala, direct dans ses noms. Qala al-qa'idatu al-ula, asma'u Allah ta'ala kulluha husna, que les noms d'Allah sont tous beaux. Même beau, on va dire les plus beaux. Car husna, ça vient de ahsan. Istafdil, ahsan. Min al-husn, de la beauté. Car là, le mot husna vient à quoi? À asma, au mot asma. Donc ces noms sont les plus beaux. Parfait sous tous les angles. قال أي بالغة في الحسن غايته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها من وجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. Donc ils sont au summum de la beauté, quand même au plus haut de la beauté. Comme قال عز وجل que à Allah, dans le sens où il dit à Allah appartient les plus beaux noms. Surat al-A'raf, verset 180. Et car ces noms-là, qu'est-ce qu'ils renferment? Ils renferment également les sifats parfaites qui ne contiennent aucun manque, aucun défaut, sous aucun angle, ni en probabilité et ni sous-entendu. Après, c'est des exemples de ces noms. À la Bab al-Ikhtisar, certains. Mithal dhalika al-hayy, qui est traduit par le vivant. Ismun min asma illahi ta'ala mutadamminun li hayati kamila allati lam tusbaq bi adam wa la yalhaquha zawal. Donc là, ça revient à quoi? Selon le vivant, al-hayy, ça revient à la vie. Min sifatillah al-haya. Mais quelle vie? La vie qui est parfaite, celle qui n'a été précédée par, qui n'a pas été précédée par du néant, et ni qui sera achevée par l'anéantissement. C'est-à-dire une vie qui n'a pas de début et qui n'aura pas de fin. Une vie parfaite. قال الحياة يعني من صفات الله المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. Donc cette vie parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique quoi? D'autres sifat qui elles-mêmes en découlent, on les déduit. Comme quoi, al-ilm, kadhalik, al-kudra, la capacité, ou al-sama, l'ouïe, hein, al-basar, la vue et autres. Car celui qui est vivant, il regroupe, c'est celui qui est vivant d'une vie parfaite, aura forcément ces attributs-là qui vont avec. Et al-haya, bab al-fa'ida, ala salafti aqsam. Trois formes. Celle qui est kamila, c'est celle-ci qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sa sifat. Celle qui n'a pas été précédée par un néant, ni qui sera suivie par un anéantissement. Après, on a Al-Hayat Al-Lati Fiha Naqs. Al-Hayat Naqisa. C'est celle de l'être humain. Celle qui, à la base, a été précédée par un néant. À la base, on n'était rien. On n'était rien du tout. Et par la suite, on va mourir. Fihadi et Dunya. On va mourir. Comme Allah Azza wa Jal, wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a. Que je t'ai écrit auparavant alors que tu n'étais rien du tout. Hadi ya hayat al-insan fi hadi ad-dunya. Et troisième forme de haya, celle qui est des gens du Jannah. Et celle qui est précédée par un néant, mais qui n'a pas de zawal, qui va perdurer l'éternité. Ama ceux du nar, mazakallah Allah Azza wa Jal, la yamutu fiha wa la yahya. Que ni il ne vit dedans, ni il ne meurt. Donc on n'appelle pas ça haya. Par contre, les gens du Jannah, eux, on appelle ça haya. Après, il cite مثال آخر. قال العليم من أسماء الله العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. طه 52. العليم, l'omniscient, comme il traduit en français. Je ne vais pas tout en traduire les noms. Hein. Quand j'ai un équivalent, je donne. Quand je n'en ai pas, on donnera un ma'ana, mutakarrib. Donc ça, c'est parmi les asma d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui inclut ma'adha, la science parfaite, le savoir parfait. C'est-à-dire un savoir qui n'a été précédé d'aucune ignorance auparavant. Et ni qui ne sera suivi de ni sien, d'oubli, comme c'est le cas de l'être humain, de la créature. Quant aux versets qui sont venus où il y a une isienne. L'ana azza wa jalla kul. Wa makana rabbuka nasiya. Que ton Seigneur n'oublie pas. Lakin dans d'autres versets, il a dit falyum nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha. Aujourd'hui, on les oublie comme ils ont oublié cette rencontre. Ma ma'na isienne ona? At-tark, le délaissement. Et non pas l'oubli comme on le connaît. Là, il y a un ta'wil. On oublie de faire un ta'wil. Pourquoi? Parce que dans notre verset, Allah dit qu'il n'oublie pas. Et l'initienne, sifat nox. Bila shak. Donc là, on est obligé de faire une interprétation. Comme cela va venir. Taïb. Qala al-ilm al-wasi' al-muhit bi kulli shay' jumlatan wa tafsila. Sawa'un ma yata'allaku bi af'alihi aw af'al khalqihi. Donc là, c'est une science qui est large, qui entoure toute chose, détaillée ou générale. Qu'il s'agisse de ses propres actes à lui, ou alors de ceux de sa création. Yaqul Allah Azza wa Jal, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Al-An'am, verset 59, qui a les clés de l'invisible et que personne ne les connaît, ce n'est lui. Qui connaît ce qu'il y a sur terre et dans l'eau, c'est-à-dire dans les mers, et qu'il n'y a même pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache, ni une graine dans les ténèbres de la terre, qu'elle soit sèche ou humide, sauf sans que cela soit dans un livre qui est clair. C'est-à-dire que tout cela, Allah, il le sait. Ada ilm wa asir kamil. Toi, demain, ne serait-ce que un truc tombe à côté de toi, tu ne sauras même pas. Allah, il le salue. Wa qala azza wa jal, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Qu'il n'y ait pas d'être sur terre, car d'abba, à la base, c'est tout être vivant qui vit sur terre. Après, dans le urf des gens, c'est tout animal sur lequel on monte. Mais en vrai, d'abba, tout être qui vit sur terre, ça s'appelle ça d'abba. Sans que Allah, sans que Nakumba Allah, ça se distance. qu'il connaît son gîte et son dépôt, et tout cela est dans un livre bien précis. Tout est écrit. Ça revient à quoi ça? Au Qadar. Surat Hud, verset 6. Wa qala azza wa jal, ya'lamu ma fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun wallahu 'alimun bi dhati as-sudur. Qui sait ce qui est dans les cieux et il sait ce que vous cachez et ce que vous faites apparaître, et que Allah sait parfaitement ce qu'on tient les poitrines. At-Taghabun, verset 4. Donc Allah, il sait tout. Une science parfaite. Ce qui est apparent, ce qui est caché. Ce qui est grand, ce qui est petit. Ce qui est extériorisé, ce qui est enfoui. Ya'lam kulléché. Donc Al-Alim, ça c'est la beauté de la science. Maintenant, on peut dire Alim pour certaines personnes, mais ce ilm-là, il est qasir. D'accord ? Il est limité. Donc ce n'est pas parmi les plus beaux noms. C'est un nom, mais fi haqqillah, yakun ahsan, ajmal, akmal. Ama pour nous, il est limité. Qala mithal thalith ar-Rahman, ismu min asma'illahi ta'ala, mutadamminun lirahma al-kamila. Donc là, ar-Rahman, c'est parmi les ismes d'asma'illah. Par contre, c'est parmi les asma' qui sont khas pour Allah. Qui montre sa miséricorde parfaite. Car la rahma, elle a qismain. La rahma qui est la sifat d'Allah, et la rahma qui est le makhlouqa, celle qu'il a créée également. Et les mubtadi'a qui ont renié la rahma en sifatillah, qui n'ont pas voulu accepter, qui l'ont nié plutôt, on va dire, c'est parce qu'ils ont fait un qiyas avec la rahma qui est makhlouqa. Donc c'est tombé dans quoi? Dans ta'til. Donc cette rahma allati qala anha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ya'ni sabi wajadathu fi sabi faghadathu walhaqathu bi batniha warda'athu. Donc Allah, les quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette rahma, il a dit que Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son fils, en faisant allusion d'une femme qui a trouvé un enfant parmi les prisonniers, qui l'a pris sur son ventre, et qu'après elle a allaité. Ensuite elle a allaité. Donc après il a dit quoi? Pensez-vous que cette mère-là va mettre son enfant au feu? De faire comprendre que Allah ne veut pas pour nous cela. Allah ne veut pas cela pour nous. Mais après, c'est à cause de nos actes à nous. Par la suite. Qala mutadamminun aydan ar-rahma al-wasi'a allati qala Allahu 'anha wa rahmati wasi'at kulli shay. Donc également, elle englobe cette rahma qui est la plus large, celle dont Allah dans le sens dit que ma miséricorde entoure toute chose. Surat al-A'raf, verset 156. وقال بالدعاء عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Parmi les dua que les malaïka font, et donc ô Allah, tu entoures toutes choses par ta rahma et par ta science. سؤال نحوي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ما يعرب رحمة. Quel est منصوب رحمة وعلما. Facile, non. Là, c'est facile, mais tu n'as pas trouvé. Regarde bien. Wasiyata kul leshay. Il n'y a pas un ibham dans la phrase. Wasiyata ma, il y a un ibham par quoi? Quelle chose? Tu as besoin d'une chose qui t'enlève l'ibham de la phrase. Donc, c'est quoi? Maza zi al-fa l'ibham? Là, est-ce que c'est un hal? Donc, c'est un tamiz. Barakallahu fik. Tayeb, c'était une parenthèse. Des fois, on a une occasion comme ça, une petite question comme ça pour faire le muraja'a des durus an-nahwiyya. Qala wal husn fi asma'illahi ta'ala yakunu bi ihtibar kull ismin 'ala infiradihi wa yakunu bi ihtibari jam'ihi ila ghayrihi. Fayahsulu bi jam' al-ism li akhir aw li akhar kamal fawq kamal. Donc cette beauté dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a lieu par rapport à un nom au singulier, quand il est tout seul, et même également lorsqu'il y a un pluriel, ou plutôt que ce nom est lié à un autre nom. Ça apporte de la perfection à la perfection. C'est-à-dire, quand tu lis deux noms ensemble, ça apporte encore plus de perfection. Exemple, Al-Azizul Hakim. Fa'inna Allah Ta'ala yajma'u baynahuma fi al-Qur'an kathira. Que Allah, il lit entre ces deux noms-là, très souvent dans le Qur'an. العزيز الحكيم. On va dire également Al-Ali al-Kabir, Al-Ali al-Khabir. Quand il dit deux noms comme ça, c'est qu'il y a un marna, il y a une faïda d'ailleurs, on tire bien la chèque. فيكون كل منهما دلا على الكمال الخاص الذي تقتضيه وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. Donc chacun de ces noms-là implique la sifat qui va avec. العزة, la puissance pour le عزيز, et le حكم et la حكمة, le jugement et la sagesse pour le حكيم. D'accord ? Mais les deux ensemble, c'est encore un autre sens de كمال, encore plus grand. Qu'est-ce qu'il dit ? والجمع بينهما دل على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقلونة بالحكمة. Ça dit quoi? Que la puissance d'Allah, elle est gérée par la حكمة. فعزته لا تقتضي ظلما وجورا سواء فعل كما يكون كما قد يكون من عزة المخلوقين. مثلا sa puissance quand même n'apportera pas d'injustice, de tyrannie. Comme c'est le cas, مثلاً, des hommes puissants parmi les makhloukines. Comme le cas de qui ? Pharaon, مثلاً. Pharaon était puissant. Mais sa puissance l'a amené à quoi ? Une hikma derrière, au zulm, à la tyrannie. T'as dit, c'est un jabbar. Sa puissance a amené à mal. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit bien que sa puissance, elle-même, est liée à la hikma. Ou le axe. قال طيب فإن العزيز منهم قد تخوذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. Car le puissant, sa puissance peut l'amener à quoi? Faire du mal. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقلونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. Donc مثلا lui, son jugement à lui, sa sagesse sont liés à sa puissance parfaite. Car, contrairement au makhlouk, lui peut avoir une sagesse et un jugement, mais cependant il peut être atteint par la faiblesse. Un homme peut être sage, avoir de la hikma, mais il n'a pas cette iza pour faire appliquer ce jugement et cette hikma. Il ne l'a pas. Tu vas demander conseil, il va te dire kaza wa kaza, des paroles sages. Maintenant, on va appliquer, il ne pourra pas les appliquer. Du moins sur les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la iza qui va avec. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a les deux. La iza et la hikma qui va avec. Fahimt? Donc dans beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala cite deux noms ensemble, bien évidemment, t'as un ilm à en tirer, un savoir à en tirer, ce n'est pas pour rien. Non. Donc là, c'est la qaïda qu'on a pris aujourd'hui, qui était la première, après la Mukaddima, qui est que Asma'ullahi kulluha husna, les plus beaux. D'accord? Les plus beaux. Les noms les plus beaux. Et implique les sifat qui vont avec, qui sont les plus parfaites également. Non. مفهوم هذا طيب هنا والحمد لله رب العالمين